professeur au Collège de France est entièrement maître de sa chaire, libre de faire tout ce qu'il y veut, il n'a qu'une obligation, c'est de traiter chaque année un sujet nouveau. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues, enfin... Et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde, dans un esprit interdisciplinaire. Que nous apprennent les empreintes de pas des hominines? Comment se déplaçaient les australopithèques puis Homo erectus? Et quand avons-nous perdu nos poils? Demande le paléanthropologue Jean-Jacques Hublin. Quelle est la singularité du système de thermorégulation des hominines? Comment nos corps s'adaptent-ils à la chaleur? Chercheur au CNRS, auteur de nombreux travaux sur l'évolution des Néandertaliens et sur les origines africaines des hommes modernes, Jean-Jacques Hublin a créé et dirige depuis 2004 le département d'évolution humaine à l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutionnaire de Leipzig en Allemagne. Et depuis 2014, il est professeur invité au Collège de France, titulaire de la chaire internationale de paléanthropologie. Ce chercheur passionné qui s'appuie sur toutes les ressources de l'approche interdisciplinaire et high-tech interroge les stratégies des espèces animales pour extraire de l'énergie et l'allouer à différentes grandes fonctions, grandir, se reproduire, se réparer, s'adapter, et à différents organes ou tissus, le cerveau, le tube digestif, la peau, dans le cadre de sa nouvelle série de cours intitulée « Traits de vie et contraintes énergétiques au cours de l'évolution humaine ». Après avoir questionné le coût énergétique de notre grand cerveau, à l'origine de nombreux avantages pour l'homme, le paléanthropologue interroge depuis le cours précédent les origines et le coût énergétique de la bipédie. Avec l'apparition de la course, s'ajoutent l'enjeu et le modèle original de la thermorégulation chez les hominines. Le long chemin de l'évolution humaine s'avère complexe, à l'intersection de nombreuses interactions. Dans un article donné au Figaro en 2012, Jean-Jacques Hublin en livrait les enjeux et je le cite longuement ce matin. L'humanité contemple aujourd'hui avec inquiétude les changements de l'environnement et du climat. La notion d'évolution a fini par s'imposer au cœur de la pensée moderne. Plus lente et plus profonde que l'évolution culturelle, l'évolution biologique modifie les organismes eux-mêmes. Sous la pression de la sélection naturelle, la reproduction des mieux adaptés est favorisée et le génome de l'espèce s'en trouve modifié. Ces deux aspects, culturels et biologiques, de l'évolution humaine sont en apparence très différents. En réalité, ils ne peuvent être dissociés. Depuis des centaines de milliers d'années, on observe chez l'homme une interaction constante entre l'apparition des comportements acquis, inventés, et des changements biologiques qui parfois en résultent, parfois en sont la condition. Les progrès de la paléanthropologie et de la génétique nous dévoilent chaque jour un peu plus de cette mécanique extraordinaire. Les hommes du passé se sont adaptés à l'exploitation d'environnements nouveaux, par toujours plus d'innovations techniques et de complexité sociale. C'est en particulier vrai pour notre propre espèce. Au final, il y a 50 000 ans, quelques groupes d'Homo sapiens ont quitté leur zone d'origine en Afrique pour coloniser l'Eurasie, l'Australie et les Amériques. Dans ces conditions, quelle a été dès lors l'origine de la bipédie et quel rôle a-t-elle joué? Et nous gagnons le Collège de France les 14 et 21 novembre 2017 pour le cours de Jean-Jacques Hublin, Traits de vie et contraintes énergétiques au cours de l'évolution humaine, aujourd'hui, de la course d'endurance à la thermorégulation. Dans le fond, l'idée qui a prévalu pendant très très longtemps sur l'origine de la bipédie, c'est que l'origine de la bipédie était liée à une adaptation à un milieu de savane. Dans le fond, l'idée générale, c'était que des primates hominoïdes qui étaient adaptés au milieu arboricole, alors peut-être avec cette préférence pour la position orthograde redressée du tronc en se déplaçant le long des arbres, eh bien, quand les arbres ont disparu, eh bien, ce sont, dans le fond, avaient le choix, si je peux dire, entre une adaptation quadrupède et bipède, et ils sont allés vers une adaptation bipède. Alors, ce scénario, cette hypothèse, qui était essentiellement échafaudée autour du fait que depuis le Miocène, on a un changement climatique assez important à l'échelle planétaire, c'est-à-dire qu'on a des températures qui ont tendance à baisser sur l'ensemble de la planète. Alors, je ne parle pas des derniers 20 ans ou 50 ans, mais on a donc un refroidissement général du climat et surtout en Afrique, une montée de l'aridité qui a fait disparaître de grandes surfaces forestières. Alors en Europe, au Miocène, on avait toute une variété de grands singes qui vivaient en Europe dans des milieux forestiers. Donc tous ces milieux-là ont disparu. Et donc l'idée, c'était que la bipédie, dans le fond, c'était une adaptation au milieu de savane. Alors, ce qui est apparu avec ces découvertes comme Sahelanthropus Toumaï ou l'Ardipithecus éthiopien, c'est qu'en fait, ces formes en fait, vivent dans des milieux qui sont beaucoup plus humides que ce qu'on avait imaginé. Et donc, manifestement, la bipédie n'est pas apparue comme on l'avait imaginé. Elle est apparue chez des formes qui pratiquent encore beaucoup de locomotion dans les arbres et qui vivent dans un milieu où il y a des arbres. Alors, je vous disais que la paléanthropologie, ce n'était pas un monde qui était très, consensuel. Il y a toujours des critiques. Et dans le fond, la critique principale qui a été apportée à ces découvertes et à leur interprétation, Ardipithecus, Aurorine, Toumaï, etc., eh bien, c'est une critique, je pense, qu'il faut quand même considérer avec sérieux. Et elle repose sur le fait qu'aujourd'hui, on ne connaît que très peu d'espèces d'hominoïdes qui vivent encore, qui ont survécu jusqu'à la période actuelle. En fait, si on remonte dans le Miocène, il y a une vingtaine de millions d'années, et même dans les périodes qui ont suivi, il y a une variété incroyable de ces primates hominoïdes. Dans le fond, l'apogée des primates hominoïdes, c'est pas maintenant, c'était le Miocène. Et depuis le Miocène, probablement d'ailleurs avec ces changements environnementaux dont je vous ai parlé, eh bien dans le fond, il y a un déclin de cette superfamille des hominoïdes au profit de la superfamille des sarcopithécoïdes, les macaques, les babouins, les semnopithèques, tous ces animaux-là, qui, eux, vont littéralement exploser en nombre d'espèces pendant le Pliocène et les périodes suivantes, et qui sont d'ailleurs toujours en expansion. Et donc la seule exception à ça, c'est l'homme, évidemment, qui peuple toute la planète. Et donc le problème, c'est que chaque fois qu'on trouve un fossile, eh bien, on veut absolument l'attribuer à la lignée ancestrale d'une des espèces actuelles. Le problème, c'est qu'évidemment, il y a de nombreuses espèces qui ont existé dans le passé. Et quand je dis espèces, ce n'est pas seulement des espèces ancestrales du chimpanzé ou de l'homme, mais des espèces qui représentaient des lignées apparentées, voire des lignées non apparentées, qui ont complètement disparu. Et donc, la critique qui est apportée par certains, comme par exemple Wood et Harrison, c'est que dans le fond, ces fossiles qu'on trouve dans le Miocène, et dont je vous ai dit quelques mots, peuvent très bien avoir représenté des formes qui avaient acquis une certaine bipédie et un certain nombre de caractères qui sont des caractères qui évoquent ce qu'on trouve chez les hommes ou chez leurs ancêtres directs. Mais ça ne veut pas dire forcément que ces formes-là sont directement ancestrales de notre lignée. Elles peuvent avoir représenté des tentatives infructueuses, si je peux dire, de développer une forme de bipédie qui n'a pas connu de postérité jusqu'à aujourd'hui. Et Wood et Harrison tirent argument d'un fossile qui est connu depuis le 19e siècle, qui est l'Oreopithecus bambolii. Vous pouvez voir cette plaque de lignite avec cet Oreopithèque au Jardin des Plantes, là, au Muséum d'Histoire Naturelle, si vous y passez. Donc, c'est un fossile qui a été découvert en Toscane et qui est un primate qui vivait il y a 7 ou 8 millions d'années. Et quand ce primate a été étudié par un paléontologue suisse qui s'appelait Hürzeler, eh bien, Hürzeler a reconnu dans la morphologie de cet Oreopithèque toute une série de caractères qui sont des caractères qu'on trouve chez les hominines. Par exemple, pour Hürzeler, la position du foramen magnum sous le crâne de l'Oreopithèque suggère une position bipède. Des caractères de la colonne vertébrale et surtout du bassin, je ne sais pas si vous le voyez, mais ce bassin, il a une forme avec des iliums qui sont assez larges, assez étalés, très différentes de ce qu'on trouve chez un chimpanzé. Et donc Hürzeler en avait conclu que c'était un hominine et que c'était un hominine bipède. D'accord ? Alors, je crois qu'au début de la préparation de ce fossile, je crois que le bras de l'Oreopithèque n'était pas visible. Donc c'est vrai qu'on s'est beaucoup, Hürzeler s'est beaucoup, excité sur la morphologie du bassin, des vertèbres, etc., avant de se rendre compte quand même que le membre antérieur de l'Oreopithèque clairement montre qu'on a affaire à une forme arboricole. Alors depuis, l'Oreopithèque a été étudié avec beaucoup de détails par d'autres paléontologues, et on sait maintenant que d'abord, ce n'est pas un hominine, et tous ces caractères qui le rapprochent des hominines sont des caractères qui ont été acquis par convergence. On ne pense pas qu'il avait vraiment une démarche bipède du tout, et c'est un cas de ce qu'on appelle de l'homoplasie, c'est-à-dire l'acquisition de caractères qui ont l'air d'être les mêmes, mais par des lignées différentes. Alors, passons à l'étape suivante, si je peux dire, qui est celle des australopithèques. Alors, vous reconnaissez tous, j'imagine, la petite Lucie. Je l'ai appelée ici de son triste nom de AL288-1, et qui est, pour cette espèce d'Australopithèque, Australopithecus afarensis, le spécimen le plus complet qu'on connaisse, en tout cas pour ce qui est du squelette infracrânien. Et ce squelette présente de nombreux caractères qui démontrent que là, sans discussion, on a affaire à une espèce qui est non seulement bipède dans sa posture, mais bipède dans sa locomotion. Je ne vais pas vous détailler tous les caractères de Lucie et de sa bipédie, mais je vous en montre quand même un ou deux. Je vous ai parlé de cette orientation particulière du fémur chez l'homme, qui est en position oblique, avec des tibias qui sont beaucoup plus rapprochés, qui sont en position parallèle, eh bien, c'est quelque chose qu'on reconnaît tout à fait dans la morphologie du genou. Alors, ce n'est pas le genou de Lucie, c'est le genou de AL129, 1A et B. Et vous voyez que lorsqu'on met en contact cette partie inférieure de fémur et cette partie supérieure de tibia, on voit très très bien cette orientation qui est tout à fait caractéristique de ce qu'on trouve chez les hommes et qui est très différente de ce qu'on trouve chez un chimpanzé où ces deux os sont, dans le fond, dans le prolongement l'un de l'autre. Le bassin de Lucie, le voilà ici reconstitué. Alors bon, il y a des reconstitutions qui varient d'un auteur à l'autre, mais tout le monde est quand même d'accord pour dire que ce bassin ressemble beaucoup plus à un bassin humain qu'à un bassin de chimpanzé, avec ses caractéristiques de soutien, dans le fond, du tronc et des viscères, des organes qui le contient. C'est quand même un bassin qui est assez large, assez aplati antéro-postérieurement, avec des ailes iliaques qui ont tendance à être en position un peu coronale, beaucoup plus que chez un homme. Donc une morphologie dominine, mais une morphologie dominine différente de celle qu'on a chez l'homme actuel. Alors on pourrait passer une heure sur le squelette de Lucie. Je suis sûr que d'autres avant moi l'ont fait dans cette salle. Mais ce qui est intéressant avec Australopithecus afarensis, c'est qu'on a une combinaison de caractères qui montre très clairement qu'on a affaire à des bipèdes qui sont capables de se déplacer de façon normale, courante, sur leurs pattes de derrière. Mais en même temps, il y a un certain nombre de caractères de l'épaule, du bras et aussi de la main, avec des phalanges qui sont relativement courbées, qui suggèrent à beaucoup qu'en fait, cette espèce combinait deux formes de locomotion, bipède en milieu découvert quand c'était nécessaire, mais avec probablement une capacité supérieure à la nôtre, en tout cas, de retourner dans les arbres quand c'était nécessaire. Et vous savez que c'est un comportement qui est courant chez des grands singes comme les gorilles, qui vivent essentiellement au sol, mais qui vont aller dormir dans les arbres, qui construisent un nid, qui montent dans un arbre pour se mettre à l'abri des prédateurs. Et peut-être que c'est le genre de comportement qu'avaient encore ces australopithèques. Je vous ai parlé, lors du dernier cours, de l'ischion, hein, qui est une partie du bassin. C'est la partie sur laquelle vous êtes assise. Quand vous vous asseyez, ce qui touche la chaise sont les ischions. Hein. Eh bien, ces ischions, chez l'homme, sont orientés postérieurement. Et ils sont orientés postérieurement pourquoi ? Ben, parce que c'est ce qui permet justement l'extension complète de la jambe, et on retrouve exactement cette orientation des ischions chez nos australopithèques, alors que chez le chimpanzé ou même chez Ardipithecus, on n'a pas encore ce caractère qui est mis en place. Alors la démonstration probablement la plus spectaculaire de la bipédie de ces Australopithecus afarensis, eh bien, sont ces fameuses pistes qui ont été découvertes à Laetoli en Tanzanie. Alors, ce sont des pistes qui ont été laissées par des australopithèques, je ne sais pas s'ils se tenaient comme ça, hein, mais qui ont été laissées par des australopithèques dans des cendres volcaniques qui étaient fraîchement tombées, hein, donc juste après une éruption volcanique, probablement un sol qui était un peu humide, et donc on a la chance d'avoir ces traces de plusieurs individus qui ont été découverts à Laetoli, et évidemment, cette empreinte de pied, ces empreintes de pied de Laetoli, elles ont été disséquées, en particulier par Kevin Atala et d'autres chercheurs. Alors, la forme générale, c'est la forme générale d'un pied humain. Tout le monde reconnaît ça immédiatement. La démarche, elle est bipède, très différente de la forme d'une empreinte de pied de chimpanzé. En particulier, vous voyez que l'hallux n'est pas divergent comme il est, et long comme il est chez un chimpanzé, donc un pied qui ressemble beaucoup plus à un pied humain. On a des os du tarse et des os des métatarsiens d'afarensis qui ont été étudiés. On sait qu'il y a un début de voûte plantaire, de voûte longitudinale et de voûte transversale. Mais vous voyez quand même, en regardant ces photos qui montrent donc la profondeur des empreintes, qu'on a quand même un pied qui est beaucoup plus plat que le pied d'un homme actuel. Et puis aussi une différence qui est assez notoire. Alors, c'est une empreinte qui est assez élargie vers l'avant. Une différence assez notoire, c'est dans le fond la prépondérance du talon dans la profondeur de ces empreintes et le fait que les orteils, mis à part l'hallux, le gros orteil, les orteils sont très peu marqués, alors qu'ils le sont chez un homme moderne. Enfin, en tout cas, sur une empreinte de pied d'homme moderne. Et ça traduit une morphologie de pied. Alors, encore une fois, on n'a pas ce pied, j'allais dire, mou et plat des grands singes, mais on a quelque chose qui est encore assez loin de ce qu'on trouve chez les hommes actuels. Alors, on a quand même beaucoup de connaissances anatomiques hein, de ces Australopithecus afarensis, et depuis quelques années, on a aussi des programmes qui permettent de simuler le fonctionnement biomécanique de ces, alors, d'un homme actuel, d'un chimpanzé actuel. Comment ? Eh bien, en remontant sur un modèle 3D, en insérant de façon virtuelle tous les muscles qui sont impliqués dans la marche, Et puis on peut ensuite rentrer dans le programme, dans le fond, la masse musculaire, le type de fibre musculaire, l'orientation de ces insertions musculaires, etc. Et on arrive à créer des modèles très, très, réalistes, fiables, qui reproduisent, dans le fond, la mécanique de la marche chez un homme actuel. Alors, ce qui est bien avec les hommes actuels, c'est qu'on a beaucoup d'hommes actuels, donc on peut comparer le modèle. On peut comparer le modèle avec la simulation, enfin avec la réalité, mais on a fait exactement le même genre de choses avec notre squelette d'Australopithecus afarensis. Et grâce à ça, on peut mesurer le coût énergétique de la marche chez un afarensis et la comparer à ce qu'on trouve chez des hommes actuels. Ce que vous avez ici, c'est la dépense énergétique pendant la marche chez des individus humains. Donc cette dépense énergétique, elle est exprimée en fonction de la masse corporelle. Et donc, vous voyez que, en le fond, avec des masses corporelles d'adultes, c'est là qu'on a la marche qui est la plus efficace sur le plan énergétique. Lucie se passe au-dessus des valeurs qu'on observe chez un homme adulte ou une femme adulte actuelle, mais vous voyez que ça correspond à peu près à la consommation énergétique en termes d'efficacité d'un homme actuel qui aurait un poids de 25 ou 30 kilos, c'est-à-dire en fait d'un enfant ou d'un très jeune adolescent. Et donc, dans le fond, contrairement à ce qu'on a parfois raconté, eh bien, on pense que la marche est relativement efficace, si je peux dire, chez ces australopithèques. Alors, depuis quelques années, il y a eu d'autres découvertes qui sont ajoutées à la découverte de Lucie. En particulier, on a découvert ce squelette qui est très complet aussi, enfin, d'une façon différente, auquel on a donné le charmant nom de Kadanoumou, et qui vient d'un gisement éthiopien aussi qui s'appelle Woranso Mile, qui est un petit peu plus vieux que Lucie. Et je vous le montre parce que c'est un squelette qui a appartenu à un individu qui est beaucoup plus grand que Lucie, et donc c'est un individu mâle, beaucoup plus grand. Et je vous montre cet individu parce que, dans le fond, avec sa découverte et puis d'autres découvertes qui ont eu lieu par la suite, on en est venu un peu à reconsidérer l'idée que les australopithèques étaient des espèces de chimpanzés bipèdes qui avaient beaucoup de caractéristiques de bipèdes, mais à côté de ça aussi beaucoup de caractéristiques de grands singes. Et en particulier avec ce spécimen, on a une très très bonne connaissance de l'épaule, du bras, d'autres. Et on a tendance à même dans les proportions corporelles, à revisiter un peu ces australopithèques aujourd'hui en les faisant plus humains, dans le fond, que ce qu'on les a fait très longtemps. Pour en finir avec les australopithèques, je vous rappelle qu'on n'en a pas seulement en Afrique de l'Est, mais en Afrique du Sud. Et en Afrique du Sud, Australopithecus africanus et Australopithecus sediba montrent aussi ces caractères de bipèdes sans trop de discussion. Alors pour en finir, quelques mots sur le genre Homo. Alors, les formes les plus anciennes du genre Homo, en particulier Homo habilis, eh bien malheureusement, c'est très difficile d'en dire quelque chose au plan des proportions corporelles. Je vous ai à dessein mis ces photos qui vous montrent ce qui est cité dans la littérature comme les deux squelettes partiels d'Homo habilis. Ils sont très cassés quand même. Hein. Donc, il est très difficile à partir de ces vestiges de se faire une idée très précise des proportions corporelles et des caractéristiques anatomiques de ces Homo habilis. Certains de mes collègues ont tendance à penser qu'en fait, ces formes-là sont des formes qui, à bien des égards, sont encore très très proches des australopithèques, non seulement par leur anatomie, mais par aussi leur mode de vie. Alors, on connaît un pied d'Homo habilis qui vient d'Olduvai, qui est très très un fossile très célèbre, hein, l'hominide 8 d'Olduvai. Alors, On a tout un débat pour savoir si c'est bien un pied d'Homo habilis plutôt qu'un pied d'Australopithèque, mais sans rentrer là-dedans, ça fait partie de la liste des spécimens qui ont été décrits initialement comme appartenant à cet Homo habilis. Il a des caractères qui sont des caractères mixtes. Certains caractères sont assez primitifs, rappellent les Australopithèques. On peut citer parmi les caractères qui le rapprochent vraiment des hommes et des hommes actuels le fait qu'on n'a pas du tout d'articulation intra-tarsienne. Hein. On a donc déjà cette rigidité du pied. On a cette voûte plantaire. Et puis aussi, on a des proportions en termes de taille des métatarsiens qui sont ce qu'on peut trouver chez des hommes actuels, avec le premier métatarsien, donc celui de la luxe, qui est le plus robuste, et puis ensuite c'est le numéro 5, et puis on repart en ordre décroissant en termes, et ça c'est un caractère qui est assez humain. Alors en fait, c'est encore une fois avec Homo ergaster, avec Homo erectus, donc il y a moins de 2 millions d'années, qu'on va trouver des formes, alors elles, qui présentent toutes les caractéristiques quasiment de la bipédie qu'on va trouver chez l'homme moderne, des proportions corporelles qui sont des proportions corporelles, ma foi, qu'on pourrait trouver aujourd'hui. Alors on a eu dans cette reconstitution-là, qui remonte aux années 80, on a un peu exagéré l'étroitesse du bassin. En fait, on sait aujourd'hui que ce sont des formes avec des bassins un peu plus larges que ça. Mais on a un membre inférieur qui est très long par rapport au tronc. Et ça, c'est une caractéristique tout à fait humaine et un changement par rapport à ce qu'on avait chez les Australopithèques. Même s'ils n'ont pas des proportions de chimpanzés, mais ils ont quand même un membre inférieur qui n'est pas aussi allongé que celui qu'on a chez les hommes modernes. Et surtout, avec ces Homo erectus est-africains, on a des quantités d'empreintes de pas qui ont été découvertes. Elles ont été découvertes généralement le long d'anciens lacs. Et l'image que nous donne toutes ces empreintes de pieds, c'est l'image de groupes d'hommes qui patrouillent le long de ces lacs. D'ailleurs, de façon assez remarquable, quand on regarde toutes les empreintes de pas qui sont laissées, pas seulement par les hommes, mais par d'autres mammifères, le long de ces lacs, on se rend compte que la proportion d'empreintes humaines est énorme. Je crois que c'est de l'ordre de 30%, alors que dans le registre fossile, eh bien, les restes humains sont beaucoup plus rares que ça, hein, dans les gisements contemporains. Donc il semble que ces hommes ont une prédisposition à venir patrouiller le long de ces lacs, peut-être à la recherche de nourriture. On a pu estimer la taille de ces groupes. Alors il y a une série d'études qui ont été menées sur la taille des individus, la taille de leurs pas, leur vitesse de déplacement, etc., etc. Ce qui est très important à retenir de ces études-là, c'est que dès 1,5 million d'années, eh bien, on a des empreintes de pas qui reproduisent pratiquement toutes les caractéristiques qu'on va trouver chez des empreintes d'hommes modernes. Vous vous souvenez, je vous ai montré que les empreintes des orteils chez notre Australopithecus afarensis étaient relativement peu marquées, qu'il y avait surtout un appui très fort sur le talon, que la voûte plantaire était peu marquée. Là, toutes ces caractéristiques sont humaines, sont bien présentes, et vous voyez ici en particulier la comparaison entre des hommes actuels avec la profondeur de l'empreinte pour les différents orteils et puis les différents métatarsiens, qui comparent donc des hommes actuels, nos Homo erectus de l'Est Turkana et puis nos afarensis de l'Aetoli, de façon très très nette, en tout cas pour ce qui est des orteils, là ici, les hommes d'Ilrette d'un million et demi d'années ne se distinguent pas des hommes actuels. Donc en conclusion, je voulais vous montrer cette image qui a été produite très très récemment par Hermann Ponzer, qui a repris un petit peu toutes ces travaux sur, pas seulement sur le développement de la bipédie, mais surtout le développement de la bipédie dans une perspective, une approche énergétique, et puis en gardant en tête que dans le fond, au-delà de la marche, ce qui est important pour les hommes actuels, c'est cette fameuse course, cette course d'endurance, alors qu'on a, nous, plus ou moins oublié, mais qui était quelque chose de vital pour des chasseurs-cueilleurs paléolithiques. Et dans le fond, on voit qu'au cours de l'évolution des hominines, on a trois grandes étapes. On a une étape qui est représentée par ces formes anciennes comme Ardipithecus. Alors pour le Tchadanthrope, on n'a pas vraiment d'informations sur ses pieds, ses membres inférieurs, mais disons ce qu'on peut tirer d'Ardipithecus, c'est le fait qu'on a une capacité de déplacement bipède, mais probablement avec un coût énergétique qui n'est pas très intéressant, si je peux dire. On a une deuxième étape qui est représentée par les Australopithèques, Australopithecus afarensis, donc Lucie, et puis aussi les Australopithèques sud-africains, où là, on a une bipédie qui est très affirmée, qui est efficace. Vous avez vu qu'en termes de coût énergétique, Lucie se place dans le fond, dans la variation moderne, si on considère des individus de poids, de masse corporelle équivalente. Alors, ce qui est quand même tout à fait remarquable, c'est que vous voyez ici, là, ce groupe qui est marqué Burtelé, c'est une forme d'Australopithèque qui a été décrite assez récemment, qui s'appelle Australopithecus derimeda. Cet Australopithèque, il a gardé une morphologie qui rappelle un petit peu Ardipithecus, avec un hallux qui est opposable aux autres orteils et qui est très divergent par rapport aux pieds. Donc, une variété de formes, une variété de locomotion, même au sein des Australopithèques, mais, disons, une adaptation à la marche qui est très, très efficace. Et puis, alors, ce qui commence peut-être il y a 2 millions d'années, mais qui est parfaitement bien démontré depuis 1,5 million d'années, eh bien, une adaptation non seulement à la marche, mais une adaptation à la course et à la course d'endurance, qui a été probablement un élément essentiel qui a permis à ces hommes de s'adapter à ces milieux ouverts, de sortir d'Afrique, de pénétrer dans des territoires nouveaux de l'Eurasie et de se montrer des prédateurs extrêmement efficaces, peut-être pas de la façon que vous imaginiez avant de venir à ce cours aujourd'hui, mais en pratiquant cette forme de chasse qui est tout à fait extraordinaire, qui consiste à poursuivre les animaux jusqu'à l'épuisement afin de pouvoir les capturer et en extraire de l'énergie. Le Collège de France et France Culture vous présente le paléanthropologue Jean-Jacques Hublin, aujourd'hui de la course d'endurance à la thermorégulation. On parlait beaucoup d'extraction d'énergie, de consommation d'énergie, surtout des activités qui sont liées à la prédation et de toute une série d'adaptations qui sont propres aux hominines. Et je voudrais vous parler d'un thème qui est un thème important, qui est celui de la thermorégulation. Alors, la thermorégulation, c'est le fait pour des organismes comme le nôtre de maintenir une température internes plus ou moins fixes. Et depuis les débuts de la vie, et surtout depuis le début de l'évolution des tétrapodes, eh bien, il y a une tendance générale pour les espèces qui se sont succédées à se rendre de plus en plus indépendantes de l'environnement physico-chimique. Et disons, dans l'histoire des vertébrés, il y a deux grands épisodes qui sont très importants. La sortie des eaux à la fin de l'ère primaire, qui a fait que les tétrapodes se sont adaptés au milieu terrestre. Et en s'adaptant au milieu terrestre, eh bien, ces tétrapodes primitifs ont été exposés à des conditions qui étaient beaucoup plus variables que les conditions qui prévalaient dans les océans où ils avaient évolué jusque-là. Et, j'allais dire, presque naturellement, en tout cas sous l'effet de la sélection naturelle, l'évolution a amené un certain nombre de groupes de vertébrés à développer des mécanismes de thermorégulation. Et cela, ça s'est passé essentiellement pendant le Mésozoïque, qui a suivi l'ère primaire. Et on a en gros trois groupes de vertébrés dans lesquels la thermorégulation a été établie. Alors, tout le monde connaît évidemment la thermorégulation chez les mammifères, parce que nous sommes des mammifères, mais il y a deux autres groupes de vertébrés dans lesquels cette thermorégulation a été mise en place, sont les oiseaux et leurs ancêtres directs, qui sont les dinosaures. Donc on a de bonnes raisons de penser que les dinosaures, soit en passant, on voit de plus en plus de plumes sur les dinosaures, ont aussi établi une forme de thermorégulation. Alors, pour en venir à l'homme, qui nous intéresse principalement, eh bien, la thermorégulation est un mécanisme qui met en œuvre toute une série de réflexes. Et ces réflexes sont déclenchés par l'hypothalamus, qui est une partie du système nerveux qui se trouve à la base du cerveau, au-dessous du thalamus, et au-dessus de la selle turcique qui est à la base du crâne. Et cette partie du système nerveux est une sorte de centre de contrôle de la température. Il y a un hypothalamus antérieur qui réagit à l'excès de chaleur et qui va déclencher un certain nombre de mécanismes pour refroidir le corps. Et puis, il y a une partie postérieure de l'hypothalamus qui va, au contraire, essayer de maintenir la température quand celle-ci s'abaisse trop. Donc, cette homéothermie, cette température constante du corps, dans le fond, c'est une lutte permanente de l'organisme, soit pour accélérer le refroidissement naturel, soit, au contraire, pour réchauffer l'organisme. Alors, du côté de la réponse à la chaleur, eh bien, on a essentiellement trois mécanismes qui sont mis en jeu quand la température s'élève. Il y a d'abord tout simplement une accélération de la respiration qui augmente la ventilation du corps et donc permet d'éliminer de la chaleur. Il y a une dilatation des vaisseaux sanguins qui sont les vaisseaux sanguins superficiels. Et là encore, le mécanisme, dans le fond, c'est d'amener du sang vers la surface du corps et de permettre son refroidissement. Et puis, on a déjà parlé un petit peu la dernière fois, il y a la transpiration. Et cette transpiration, c'est un mécanisme qui existe chez d'autres mammifères, évidemment, mais qui, chez les hommes, à cause en particulier de la perte, enfin disons de la grande réduction de la pilosité, est un phénomène qui est un phénomène très, très efficace. Les mammifères quadrupèdes, enfin ceux auxquels avec lesquels on est familier, un chien par exemple, eh bien, quand il est soumis à une élévation de la température, pour échapper donc à l'hyperthermie, eh bien, il va halter. C'est-à-dire qu'il va utiliser ses muqueuses buccales, sa langue, en combinant ça avec une accélération de la respiration pour refroidir le corps. Mais c'est un mécanisme qui est beaucoup moins efficace que celui de la transpiration. Évidemment, la transpiration affecte l'ensemble du corps. Et c'est comme ça que les hommes peuvent attraper, non pas des chiens, mais d'autres quadrupèdes qu'ils ont chassés donc, depuis au moins 2 millions d'années. Donc ça, c'est pour la réponse à la chaleur. Alors la réponse au froid, qui est un problème, je dirais, qui est arrivé plus tardivement dans l'évolution des hominines, eh bien on a aussi plusieurs mécanismes qui sont mis en jeu. Il y a le pendant de cette vasodilatation, eh bien c'est une vasoconstriction, c'est exactement le contraire. Les vaisseaux sanguins superficiels, ceux qui sont près de la peau, eh bien, voient leur diamètre se réduire et cela va empêcher trop d'échanges de chaleur d'énergie avec l'extérieur. Alors évidemment, l'inconvénient, c'est que ça refroidit la surface du corps, ce qui n'est pas vraiment agréable. Et on va le voir d'un instant, ça refroidit des parties périphériques du corps qui sont moins vitales que une espèce de noyau central qui concerne les organes vitaux les plus importants. Il y a un autre mécanisme qui est un mécanisme de frissonnement du corps, qui est un mécanisme réflexe. Quand vous avez froid, vous vous mettez à trembler, et ce tremblement permet, en mettant en jeu les masses musculaires, une élévation de la température qui permet de lutter contre le froid jusqu'à un certain point. Il y a d'autres mécanismes qui sont en jeu, en particulier la thyroïde qui va augmenter, si je peux dire, le métabolisme, le niveau de métabolisme, donc pousser un petit peu la machine. Et puis, la mise en jeu d'un tissu particulier qu'on appelle la graisse brune. On a beaucoup parlé de graisse pendant les dernières rencontres. Je vous expliquais que les hommes, c'était des primates gras, ils naissaient gras, ils avaient des bébés très gras, et puis ils continuaient à être gras quand ils étaient adultes. Et on a surtout parlé de cette matière grasse en termes de tissus de réserve qui, dans le fond, emmagasinent des calories pour les périodes où ces calories vont être nécessaires. Et c'est particulièrement important pour le jeune enfant dont le cerveau est en développement. Alors il y a deux autres tissus gras dans le corps humain, et il y en a un qui est cette fameuse graisse brune dont on va parler. Donc voilà, c'est l'ensemble de ces mécanismes-là qui va permettre de maintenir la température corporelle. Alors quand on dit maintenir la température corporelle, qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, ça veut dire que quand on est dans une zone de confort, autour de 20 degrés ou un petit peu plus, eh bien, la température du centre du corps est autour de 37 degrés, et avec des températures quand même, vous voyez, qui sont assez différentes quand on va vers les extrémités, puisque on descend en dessous de 30 degrés quand on va au bout des membres, par exemple. Quand il fait chaud, eh bien, à cause de la vasodilatation, du fait que le sang va migrer un peu vers la surface du corps, eh bien, la température, ces 37 degrés, vont se retrouver un peu partout dans l'organisme. Puis au contraire, quand la température baisse, alors là, c'est une situation extrême, puisque c'est un corps humain qui est exposé à une température de 0 degré, ce qui n'est pas très recommandable pendant une période prolongée. Bien, vous voyez que les extrémités voient leur température baisser considérablement. Et puis, à l'extrême, les extrémités peuvent geler, ce qui, évidemment, est quelque chose d'irréparable pour l'organisme. Dans tous les cas de figure, il y a un noyau qui intéresse des organes comme le cœur et surtout le cerveau, dont la température va être à tout prix maintenue le plus longtemps possible, avec quand même une variation autour de ces 37 degrés, C'est-à-dire que ces organes peuvent être exposés, disons, à des températures de plus ou moins 2 degrés autour de ces 37 degrés idéales. Le cerveau, en particulier, c'est un organe qui est extrêmement sensible aux variations de température. Et si votre cerveau a une température qui augmente de plus de 2 ou 3 degrés, vous vous exposez à de très graves risques. Hein. Vous faites une syncope et, en général, c'est assez... Enfin, l'issue peut être fatale. Donc le cerveau va être particulièrement, si je peux dire, intéressé par ces mécanismes de thermorégulation. Et on a une circulation sanguine cérébrale qui est extrêmement développée et qui, enfin, évidemment, a une fonction de nutrition du cerveau, mais a aussi une fonction de maintenance, de maintien de la température, avec le fait que, indépendamment du stress thermique extérieur, il y a aussi une production interne, si je peux dire, de chaleur par le cerveau. Un neurone, c'est une cellule qui produit à peu près 20 fois plus de chaleur qu'une cellule, j'allais dire, normale, moyenne. Donc notre cerveau chauffe et il faut le refroidir. Alors, commençons par la réponse à la chaleur. Vous vous souvenez que les hominines, pendant très longtemps, ont évolué uniquement, pratiquement, dans les zones tropicales. Et donc, pendant, disons, 5 millions d'années, l'histoire des hominines, c'est une histoire africaine. Et c'est seulement il y a à peu près 2 millions d'années qu'on voit apparaître une nouvelle espèce, ce fameux Homo erectus. Et cet Homo erectus va être capable de s'affranchir complètement de milieux arborés. C'est la première espèce qui semble complètement adaptée à des milieux découverts. Et ça va dans le sens de ce que je vous disais, cette espèce d'indépendance de plus en plus grande de l'environnement qui affecte aussi les hommes, bien sûr. Et cette espèce, qui est une espèce qui développe une forme de prédation sur les mammifères en particulier, eh bien, on pense qu'elle ajoute à l'adaptation à la marche qui existait déjà chez les Australopithèques une adaptation à la course d'endurance. Et donc, cette adaptation particulière, évidemment, elle se fonde sur une thermorégulation du côté de la réponse à la chaleur excessive qui est extrêmement efficace. Et c'est là qu'on en vient à cette adaptation par sudation. Alors, les hommes ont perdu une grande partie de leur pilosité et, en même temps que la pilosité se réduit, eh bien, sont développés entre 2 et 4 millions de glandes sudoripares dites exocrines qui sont réparties sur toute la surface du corps. Et ces glandes sudoripares exocrines, il faut les distinguer de ce que l'on appelle des glandes sudoripares apocrines, qui, elles, sont concentrées dans des zones pileuses et qui sécrètent de la sueur dans les follicules pileux. Donc les zones exocrines, elles sécrètent de la sueur directement sur la peau. C'est une sueur qui est, celle-là, inodore, incolore, qui est en fait une sorte d'ultrafiltrat du plasma. Et c'est l'évaporation de ce liquide qui va provoquer un abaissement de la température, la surface du corps. Et comme, en même temps, on a cette vasodilatation qui fait qu'on a beaucoup de sang qui vient à la surface du corps, donc c'est ça qui permet la thermorégulation dans les environnements très chauds. La question, c'est quand, au cours de l'évolution des hominines, dans le fond, est-ce que nous avons perdu nos poils ? Enfin, en tout cas, une grande partie. Alors, il y a eu énormément de discussions, d'hypothèses qui ont été proposées. Ce qui est venu, je dirais, le plus récemment comme argument, qui soit un argument, je dirais, tangible et qui ne soit pas juste des spéculations du genre quand on est bipède, il vaut mieux ne pas avoir de poils, etc., parce que à cause du soleil. Donc ça, c'est un petit peu de la supposition. Ce qui est, je crois, a été déterminant dans les 10 dernières années, paradoxalement, c'est pas l'étude de la paléontologie, c'est l'étude des parasites cutanés et des parasites qui vivent dans notre système pileux, ou du moins ce qu'il en reste. Alors pourquoi c'est intéressant de regarder les poux, les puces ? Eh bien parce que ces poux et ces puces sont, j'allais dire, très bien adaptés à leur milieu. Hein, donc je vous rappelle, je ne sais pas si vous en avez vu de près récemment, mais donc on a le poux de chevelure, hein, qui est le pediculus capitis. On a un poux une puce pediculus humans, qui est la puce qui vit dans les vêtements. Et cette puce, elle a un cycle de vie tout à fait particulier. Elle ne survit pas comme ça dans le milieu extérieur. Il faut absolument qu'elle se reproduise entre peau et vêtements. Et donc, vous voyez où je veux en venir, c'est-à-dire que la présence de ces parasites, dans le fond, a des implications sur la présence de poils, de cheveux, de vêtements ou pas de vêtements. Et puis, je vous rappelle aussi l'existence d'un poux de pubis. Bon, on n'aime pas trop en parler, mais ça existe. Et ce poux de pubis, comme son nom l'indique, il n'existe que dans la pilosité pubienne. Et vous voyez que c'est non seulement une espèce différente des puces et des poux, mais c'est même un genre différent. Donc l'idée qui s'est développée avec la possibilité qu'on a de séquencer le génome de nombreuses créatures, ça a été de se dire, on va regarder le génome de toutes ces espèces et calculer des temps d'évolution et des temps de divergence pour ces différentes espèces. Et grâce à ça, on va pouvoir, dans le fond, se faire une idée précise du moment où sont apparus, enfin d'abord ont disparu les poils et puis ensuite sont apparus les vêtements. Donc l'idée, elle est assez simple, c'est que si on trouve un ancêtre commun de la puce donc qui vit dans les vêtements et des poux de cheveux, eh bien cet ancêtre commun, il n'a pu exister qu'à une époque où il n'y avait pas de vêtements, hein, et où donc il y avait la même espèce de créature qui vivait un petit peu partout sur le corps. Donc en calculant la date de divergence de ces espèces, on espère trouver une date d'origine pour le vêtement, ou du moins pour l'utilisation fréquente et constante du vêtement. Et pour ce qui est du pouls de pubis et puis du reste de ces petites bêtes, là, l'idée, c'est qu'on va avoir accès à la perte de la pilosité. Pourquoi ? Eh bien, parce que, dans le fond, sur notre corps, il y a deux grandes zones, le pubis et puis le reste du corps, où vivent des formes très différentes. Et donc, bien évidemment, dans les espèces qui sont couvertes de fourrure, eh bien, ça n'est pas le cas. Il y a un seul parasite qui est prévalent sur tout le corps. Alors, tout ça, c'est très intéressant. Et je vais vous donner quelques chiffres. Mais on est quand même un petit peu embêté. Pourquoi ? Eh bien, parce que ces parasites, on a la preuve qu'ils ont été échangés entre différentes espèces de primates. Alors, je ne veux pas savoir comment, mais la puce qui vit dans les vêtements, le pouls de cheveux, donc c'est ce fameux genre pediculus dont je vous ai parlé, eh bien, figurez-vous qu'on le trouve aussi chez le chimpanzé. D'accord ? Et puis, alors, j'allais dire, il y a pire, le pouls du pubis, donc qui est ce genre tyrus, lui, on le trouve chez le gorille. D'accord ? Et donc, il faut imaginer que à un moment dans le passé, ces parasites sont passés soit de l'homme à ces primates, soit le contraire. On pense que c'est plutôt le contraire. En ce qui concerne le pédiculus qu'on trouve chez le chimpanzé, donc la puce du chimpanzé, et les puces et les poux qu'on trouve chez les hommes, les généticiens nous donnent des dates de coalescence pour ces lignées-là, qui sont des dates très anciennes, qui se chiffrent en plusieurs millions d'années, au-delà de 5-6 millions d'années. Et donc, ce qu'on pense, c'est qu'en fait, la phylogénie du pediculus, eh bien, c'est la phylogénie des espèces concernées. C'est-à-dire, c'est un parasite qui existait chez l'ancêtre commun de l'homme et du chimpanzé, et puis qu'il y a 7 millions d'années, s'est retrouvé séparé en deux populations ou plus. Et ces populations, eh bien, elles ont évolué chez le chimpanzé d'un côté, chez l'homme de l'autre, et chez les hominines, il y a 7 millions d'années, et puis ont donné ces différentes espèces de pediculus qu'on trouve. Alors l'histoire du gorille et de l'homme est un peu plus compliquée, parce que on a un ancêtre commun, si je peux dire, à ce parasite chez le gorille et chez l'homme, qui est un ancêtre commun autour de 3 millions d'années, un petit peu avant. D'accord ? Donc ça a plusieurs implications. La première, c'est que, évidemment, la séparation du gorille et de l'homme, du point de vue phylogénique, c'est bien plus que 3 millions d'années. On est au-delà de 7 millions d'années. Donc là, pratiquement, on est obligé d'imaginer que c'est un parasite qui est passé d'une espèce à l'autre, probablement quand même du gorille à l'homme. Bon, les gorilles font des nids dans les arbres, on ne sait rien, peut-être que les hommes les ont utilisés, enfin bon, on va savoir. Mais ce qui est intéressant, c'est que le fait que ce parasite apparaisse, dans le fond, dans la lignée humaine, autour de cette date-là, c'est une très forte indication qu'à ce moment-là, je vous rappelle qu'à ce moment-là, on a déjà nos puces et nos poux qui viennent de l'ancêtre commun de l'homme et du chimpanzé. Et donc ça suggère que, si je peux dire, on a deux biotopes pour ces créatures qui sont déjà présentes chez l'homme, puisqu'on va avoir ce poux de pubis qui va s'installer, si je peux dire. Et donc ça suggère fortement qu'on a eu une perte de la pilosité très importante, probablement dès avant 3 millions d'années. Donc probablement dès les derniers australopithèques, on a déjà une pilosité réduite. Et donc probablement toutes les formes du genre Homo dont on parle, Homo erectus, enfin Homo habilis, Homo erectus et toutes les formes suivantes, sont des formes pour lesquelles on a déjà une forte réduction, sinon une perte totale de la pilosité. Donc probablement que cette tendance à transpirer, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps chez les hommes et puis qui a pris une importance particulière quand, il y a 2 millions ou un peu plus, 2 millions d'années, 2 millions et demi d'années, les hommes sont mis à courir derrière les animaux pour les attraper. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter les 14 et 21 novembre 2017 le cours de Jean-Jacques Hublin, Traits de vie et contraintes énergétiques au cours de l'évolution humaine, aujourd'hui de la course d'endurance à la thermorégulation. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Jean-Jacques Hublin. Sa leçon inaugurale a été publiée chez Fayard en 2017 sous le titre Biologie de la culture, pas l'anthropologie du genre homo. Et avec Bernard Seitre, il a publié « Quand d'autres hommes peuplaient la Terre, nouveau regard sur nos origines » chez Flammarion en 2008. Un grand merci à Virginie Chauvetet et aux équipes de la documentation d'actualité de Radio France. Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Moneghetti. Demain, nous poursuivrons en compagnie de Jean-Jacques Hublin. Il sera encore question de la thermorégulation et cette fois-ci, on s'interrogera comment on s'adapte au froid. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.